Mais souvenez-vous, monseigneur, que selon enchaînement des causes particulières qui font et défont les empires, dépend des ordres secrets de la divine providence. Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes. Il a tous les cœurs en sa main. Tantôt, il retient les passions, tantôt, il leur lâche la bride, et par là, il remue tout le genre humain. Veut-il faire des conquérants? Il fait marcher l'épouvante devant eux, et il inspire à eux et à leurs soldats une hardiesse invincible. Veut-il faire des législateurs? Il leur envoie son esprit de sagesse et de prévoyance. Il leur fait prévenir les maux qui menacent les États et poser les fondements de la tranquillité publique. Il connaît la sagesse humaine, toujours courte par quelque endroit. Il l'éclaire, il étend ses vues, et puis il l'abandonne à ses ignorances. Il l'aveugle, il la précipite, il la confond par elle-même. Elle s'enveloppe, elle s'embarrasse dans ses propres subtilités, et ses précautions lui sont un piège. Dieu exerce par ce moyen ses redoutables jugements selon les règles de sa justice toujours infaillible. C'est lui qui prépare les effets dans les causes les plus éloignées et qui frappe ses grands coups dont le contre-coup porte si loin. Quand il veut lâcher le dernier et renverser les empires, tout est faible et irrégulier dans les conseils. L'Égypte, autrefois si sage, marche enivrée, étourdie et chancelante parce que le Seigneur a répandu l'esprit de vertige dans ses conseils. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle est perdue. Mais que les hommes ne s'y trompent pas. Dieu redresse, quand il lui plaît, le sens égaré. Et celui qui insultait à l'aveuglement des autres tombe lui-même dans des ténèbres plus épaisses sans qu'il faille souvent autre chose pour lui renverser le sens que ses longues prospérités.